Bonjour. Voilà, la classe est brisée. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue pour... Alors, à l'heure actuelle, cette émission n'a pas de nom. Vous allez voir le titre, certainement, parce qu'elle est sortie. Donc voilà, ça se trouve, ça se trouve le titre sera choisi au moment où ça sort, mais pour l'instant, il n'y a, voilà, a que dalle. On ne sait pas. On ne sait pas du tout où on va. Donc, c'est rassurant. Donc bonjour à tous et surtout merci à notre invité, Chloé. Chloé voilà. Poirier. Voilà, j'ai merci. Vraiment l'impression d'être à la radio. Ouais. C'est présenter quelqu'un, c'est super. C'est super bizarre. Donc D-Fool, si tu vois ça, vas-y, appelle. N'hésite pas. Bon, on va commencer par une présentation de notre invité, ouais. Qui est Chloé. Mm-hmm. Tu vas nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok. Voilà. Et puis on passera à la suite. Yes, c'est un bon programme. Super programme, allez. Ok, et bah du coup, je m'appelle Chloé Poirier, j'ai 21 ans. Je suis une jeune comédienne sur Nantes. Voilà, je suis en train de monter ma pièce en ce moment même. C'est quelle pièce? C'est la chambre? C'est la salle de bain? Excellent. Non, pas du tout. Ça m'a perturbée. Non, le titre s'appelle « Mais pourquoi ne nous sommes pas tous en train de crier ?» Et donc, c'est une bonne question. Ouais, exactement. C'est un long titre qui veut dire aussi beaucoup de choses. Et donc, c'est du théâtre engagé. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une écrivaine qui s'appelle Leïla Naboulsi et qui fait énormément de textes engagés. Voilà. D'accord, très bien. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. C'est très bien, il faut que ce soit succinct pour l'instant. Ok, super. Voilà, c'est succinct, c'est super. Nickel. Donc, t'es comédienne. Donc, je suis... Ah ouais, ça y est, on peut le dire. Ouais, je suis comédienne, ouais. Après, il me semble, sans vouloir faire de placement de produit, hein, mais que tu as fait une apparition très remarquée dans un court-métrage récemment. Oui, oui, de Speedwatching. Je crois que ça s'appelle ça, La ouais. Contagion. Contagion, ouais, exactement. Oui. C'est, d'ailleurs, tu as joué chouette. Avec deux connards. Je ne sais pas où ouais, il s'est planqué. Alors d'ailleurs, c'est pas, la première et dernière fois. Hein. ok, bon, bah, on apprend cette nouvelle triste en même temps que vous. C'est affreux ce qui est en train de se passer. Non, c'était vraiment chouette de tourner avec vous. C'était très drôle. On s'est bien marrés. On a tourné très tôt, donc ça... Ah si, il était tôt, hein. Ça, les comédiens, ils aiment pas se lever tôt. De toute façon, un intermittent, en général, le tôt, il aime super, pas. Super, merci. Ouais. On est potes, hein. Moi, on est là pour stigmatiser. Okay. Je vais vraiment aller... Parfait, on est en plein dedans. Moi, j'allais encore balancer, ça marche. Non. Bon, en tout cas, on vous invite à aller voir ce sketch, si vous ne l'avez pas vu, ouais, sur la chaîne Speedwatching. Voilà. Ouais, ouais, non, c'était vraiment... Super. Le lien dans la description. Oui... Toi-même, tu sais. Bon, on va parler de ce qu'on a fait ce week-end, vu que nous sommes lundi. Alors, attends, vite. Aujourd'hui, nous sommes vite lundi. Fait, rapidos quand même. Elliot Trangia, Kevin Gérard, Shane Connery. Exactement. C'est de l'égocentrisme. C'est vraiment pour me sucer moi-même la bite. Voilà. Ok. Bon, qui veut commencer? Alors, du coup, c'est quoi le thème? Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Yes! Ok, ouais. Bah écoute, vas-y. Je commence. Alors ouais. Ce week-end, c'était quand? Ce week-end. C'était hier. Et bah samedi, j'ai travaillé chez moi, donc rien de trop intéressant. Je sais pas ce que j'ai fait de plus ce samedi. J'oublie un truc, j'en suis sûr. Je sais plus. En tout cas, dimanche, j'étais en tournage avec Speedwatching, donc c'est encore un placement de produit auto-surfait. que dire d'autre? Dimanche soir, j'ai dormi parce que j'avais peu dormi. Et. Ce moment est très long. Et voilà, je me suis reposé dimanche un petit peu. Après c'est le tournage, bien, après avoir enchaîné deux tournages, j'ai dormi. Voilà, c'est okay. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, clairement. J'ai dormi. Clairement, j'ai dépassé l'horaire ordinaire. Voilà. Très bien. Ok, à toi Elliot. À moi. Eh ben, moi, je crois que c'est bizarre, mais j'ai aussi fait un tournage dimanche. Étonnant. Avec Speedwatching en plus, mais c'est on s'est pas croisés. Mais j'étais déguisé. Ah, j'étais, c'est ça. J'étais le mec avec le stagiaire. C'était LM, c'était moi. C'était LM. Donc, ouais, petit tournage dimanche qui était très sympa. On a hâte de vous montrer les vidéos. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait samedi, je suis passé à Ikea. Oh yes. Voilà, pour acheter un espèce de portant pour mettre mes casseroles, parce que c'est sont chiantes, elles sont sous l'évier, c'est chiant. Mmh. Du coup, j'ai installé ça dans le mur. Voilà. Ça va être carrément stylé, ça. Ouais. T'as une photo? C'est ah non, j'ai pas de photo, par contre. Alors, on vous mettra la photo. Putain, faut que je prenne une photo. Voilà, voilà. Donc là, c'est le portant. Voilà, c'est important de le savoir. C'est... Donc là, c'est la cuisine d'Eliott et là-bas, il y a le portant. Voilà. Il y aura mon chat sur la photo. Voilà. Oh ouais. C'est un challenge en plus à rajouter dans la photo, là. C'est ça, chaud. Hein. En tout cas, sacré portant. Voilà. C'est tout. J'ai rien fait d'autre. Un bon week-end. C'est déjà un pas bon mal. Week-end. Ok. Et toi, et donc, eh bien, vendredi, alors on est allé avec mon coloc dans la nuit chercher des plantes et des fleurs dans la nature parce qu'il a construit une magnifique jardinière. Voilà. Mmh. Et ensuite, eh bien, samedi, je crois que samedi. Samedi, tu veux dire ? Samedi, ouais. Samedi. Okay. Samedi. Alors la journée, je m'en souviens pas. J'avoue, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait ce samedi. Qu'est-ce que j'ai fait ce samedi ? Bon, c'est pas grave. Mais par contre, je suis allée... Ah bah si, j'ai travaillé. J'ai travaillé à Chrono Drive. Ouais, carrément, c'était chouette. Ah bah si, j'ai fait plein de trucs samedi. J'ai fait un atelier de découverte d'huile essentielle à Nature et Découverte. Super intéressant. D'accord. Je vous conseille, si vous voulez faire un petit topo sur les huiles, je suis là. Découverte d'huile, ça se passe comment en fait ? Alors, en quoi ça consiste un atelier découverte d'huile essentielle ? Donc, ça consiste où tu as une intervenante qui vient pour t'expliquer en fait toutes les vertus de différentes huiles essentielles sur le point de la beauté, sur le point de la diffusion dans l'air et sur le point de la santé. D'accord. Et donc, comme quoi tu peux te soigner quasiment avec que les plantes et les huiles essentielles, du coup, entre autres. Donc voilà. Ok. J'en ai acheté 3. Ils ont réussi leur. C'est bien. Et voilà. Parce que le but, c'était d'acheter après, je pense. Donc ça a bien marché. Voilà. Ensuite, je suis allée goûter un chocolat chaud dans un super café mexicain qui fait des choses. Mais c'était un super samedi, vraiment. C'était un chocolat chaud mexicain, du coup. Un chocolat chaud mexicain, voilà, d'accord. Exactement, avec des spécialités mexicaines. C'était où ? C'était. Alors, le nom, c'est un nom mexicain, j'arriverai pas à le redire. Ah, mais c'était okay. À côté de Bouffet. C'est un tout petit café qui paye pas de mine, qui est tout petit. Et ouais. C'est vraiment très chouette, les gens sont super là-bas. J'essaierai de retrouver le nom et on le mettra aussi. Dans la description. Yes. D'accord, ok. Et voilà, ensuite je suis allée à travailler. Je suis allée travailler. Ça va pas sortir. Non, à Chrono Drive, donc mon travail étudiant. Et à la fin, voilà, il fallait bien finir cette bonne journée. Je suis allée aux Ateliers Beach. Je sais pas si vous connaissez, et oui, ça fait sourire, mais c'est un endroit en fait où tu as plein de crews, plein d'artistes qui viennent en fait se faire des soirées là-bas. Et en l'occurrence, c'était une soirée dub. Dub. Dub. Yes, I. C'est un truc de musique. Ah, c'est pas ça. Là. Mais les ateliers alors, de biche, les ateliers ouais. De biche, du coup, effectivement, ouais, c'est atelier super, de biche. Ouais, ok, semble. Bien. C'est un putain de lieu, okay. Super lieu, un super lieu. Oh mon dieu, il y a des enfants. Non, on a dit, on avait le droit au gros mot. Ah d'accord, ok. Fuck. Sinon on va biper toutes les 5 secondes, ouais, c'est insupportable, c'est putain de merde. Mais du coup, c'est des tics de langage, alors c'est rentré dans notre langage, oui. Les gros mots. Okay. Ah, c'est bon. Une virgule pour moi. Bien, ouais, voilà, et c'était une super soirée, j'ai rencontré des gens super positifs, géniaux, qui aimaient la vie, et ça fait du bien. Cool. Ouais. Super. Et vous avez écouté de la dobe. La dub. Excellent, comme si elle n'était pas du tout le temps faite. Comme j'ai jamais fait cette blague. C'est vrai. 50 fois. Et bah écoute, va écouter de la dub et fais-la découvrir aux autres et tu auras cette blague c'est tout vrai. Le temps. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai que j'accroche pas du tout à ce style de musique. Non, mais c'est particulier pour moi. Ouais. C'est moi, il faut qu'il y ait une guitare, sinon je. Alors, et bah détrompe-toi, il y a. Bah guitare, ouais, voilà, c'est ça. Vraiment mes 10 ans, je suis un gros raciste de merde. Ah, il est mes 10 ans. Je peux avoir le jus de pomme ou le jus de poire ou enfin je sais plus mais pas le jus d'orange finalement. En fait je sais pas pourquoi j'ai pris le jus d'orange. Yep. C'est très intéressant. En fait on goûte des jus. C'est ça. Ouais. Voilà. Petite préférence pour le jus de poire du coup. Du coup tu as fait ça de ton samedi. J'ai fait ça de mon samedi et alors dimanche bon bah je me suis levée tard. J'ai eu mal à la tête. Et c'est ça l'alcool hein. C'est ça. Bah fouille. Ouais. Allez, ça fait la fête. Non, et ensuite, si, dimanche, je suis allée faire un gros barbecue avec les copains. C'était super chouette. Et vous avez fait genre des poivrons, des et légumes. Et oui, et bah, devinez, les seuls légumes qui ont été ramenés, c'est moi Et c'était un poivron, un demi-poivron. C'était, y avait vraiment beaucoup de légumes du coup, sur place. Ouais. On était 12, il y avait un demi-poivron. Et chacun un petit carré. C'était ça en plus. On l'a cuit avant, hein, sinon ça passe à travers les trucs du barbecue. On l'a fait à la plancha. Ah, ok. Ah. Ouais, on a triché. C'est bon. Voilà. Ben, au final, t'as quand même le week-end le plus chargé de nous. Yes. Pas forcément le plus productif. Non, mais ah bah non, t'as fait le plus de trucs. Mais j'ai fait plein de trucs. T'as fait c'était un sacré week-end de ouf. Hein. Un bon week-end. J'ai vraiment aimé les huiles essentielles. Intéressez-vous aux huiles essentielles, c'est super. Moi, tout ce que je sais, c'est que la lavande, ça empêche les puces, les puces d'aller sur les chats. Voilà. Ok. C'est tout ce que je sais. Et bah, autre petit point justement sur la lavande, j'en ai acheté et c'est extrêmement relaxant. Et en fait, tu te masses le plexus, le noyau des émotions, et avec ça, et bien, t'es tout relaxé, tout détendu pour la vie. Moi, j'ai été soigné aux huiles essentielles depuis tout petit, et du coup, c'est normal pour moi d'en prendre. Effectivement, je prends des huiles essentielles avant de même prendre un Doliprane parfois. Ça, c'est cool. Doliprane, c'est de la merde. Ouais, moi après ça sauve un lendemain compliqué. c'est un peu plus. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses à faire avec les huiles essentielles, effectivement. Ouais, complètement. Que ce soit des ongles incarnés ou des maux de tête. Ouais, non, c'est des trucs de ouf. La vache. Ouais, ouais. Non, dès que j'ai un rhume, je prends des huiles essentielles ou des gouttes aux essences ou quoi que ce soit. Et, ok. Et des, c'est parti. Des quoi. Gouttes aux essences. Ouais, ouais, des gouttes aux essences. Alors, du sans-plomb. Gros carburant. Mais pas au gasoil, enculé. Putain, mais ça a augmenté, hein. Ah ouais, non. Ah, puis enculé, c'est violent. Non, on a dit on avait le droit de s'insulter. Ah non, s'insulter soi-même, pas insulter. Oui, bah ça, on se connaît, on s'aime bien. Là, je me suis un peu foutu de ta gueule. C'était mérité. C'était justifié. Ouais, on a le droit de jouer au ping-pong aussi. Ouais, non, tu peux faire un nombre de trucs incroyables avec les huiles essentielles. Ouais, complètement. Dès que j'ai un rhume ou quoi que ce soit, je prends pas un antibiotique, en fait. C'est cool. Jamais pris d'antibiotique. C'est les pharmaceutiques qui vont être contents. Oui, désolé. Désolé. C'est pas automatique. On n'aime pas ça. Et du coup, Elliot, toi, t'as fait quoi ton week-end ? Il a dit. Pourquoi on reparle des huiles essentielles alors ? Parce que c'est super intéressant, les huiles essentielles. Justement, la super transition, on va reparler de toi, Chloé. Ok. On va te demander un petit peu plus approfondi. En fait, t'as fait quoi comme parcours ? Tu fais du théâtre ? Alors. Comment est-ce que t'es arrivée là ? Comment je suis arrivée là ? Alors, le théâtre, c'est bateau, mais bon. Ça me passionne depuis toute petite. Mmh. Voilà. J'aime énormément le jeu. J'aime énormément de voir plusieurs facettes chez les gens. Et j'en ai pas du tout fait toute ma scolarité. Tout simplement parce que j'avais la timidité. Ah bon ? C'est vraiment une salope, cette timidité. Ouais, je la déteste. Elle est chez la plupart des gens. Il y en a qui arrivent à la dépasser et il y en a qui la dépassent, mais longtemps après. Oui. Et donc moi, c'est arrivé en terminale. J'étais en bac L et j'ai fait l'option théâtre pour le bac. Donc j'ai passé cette option et c'est grâce à l'option théâtre que j'ai eu mon bac. Et donc j'étais très contente. Oh. Ouais. J'ai eu franchement ras les pâquerettes et c'était ma meilleure note. Quoi ? C'est pas vraiment l'expression, je crois, mais on a compris. Râler pâquerette ? Non, c'est râler pâquerette, c'est quand ça vole pas haut. Ah oh non. Bah voilà. Je crois que ça marche. Mais râler pâquerette, c'est très fait, court, ouais. C'est une notion de. Très bas. De doigts, de pas l'avoir, je sais pas. Ouais, bon. C'était ouais. Pour faire chier. D'accord. En tout cas, ouais, voilà. Grâce au théâtre, grâce à cette option. Et grâce à cette note, j'ai eu mon bac et j'étais super contente. Ouais. Et donc, je ne me suis pas trompée. Et ensuite, donc, j'ai essayé évidemment les auditions des conservatoires. Donc, la première année, j'ai été assez bête, mais j'ai fait que l'audition du conservatoire de Nantes, où je n'ai pas été prise. Donc, ce n'est pas grave, je suis allée en fac art du spectacle. J'ai voulu rester dans mon domaine. C'est pour ça, après, je suis partie à Rennes. Donc à la faculté de Rennes 2, qui est une super fac. Et ensuite, donc j'ai rencontré plein de gens là-bas qui étaient super. On a fait pas mal de petits projets, des courts-métrages. Oui. C'est des gens vraiment. C'est une fac qui est très axée sur l'artistique. Donc il y a plein de projets qui se développent là-bas. Voilà, ensuite, donc après cette année, j'ai quand même constaté que la faculté n'était pas pour moi. Et j'ai voulu retenter les conservatoires et j'ai vu qu'il y a, dans le journal qu'il y avait une école sur Nantes qui avait ouverte. Et donc, c'était l'école du théâtre populaire nantais. Et donc, j'ai passé l'audition pour cette école, l'audition pour le conservatoire de Nantes et l'audition pour le conservatoire de Angers. Et j'ai été prise à Angers et sur l'école de Nantes, donc théâtre populaire nantais. Et donc, je me suis lancée dans la folle aventure de ces deux enseignements. Donc, je suis partie en double cursus. Oui. Et voilà, j'ai eu ma première année au conservatoire. Mais j'ai arrêté le conservatoire. Mais par contre, j'ai continué l'école sur Nantes. Et c'est en 3 ans. Et là, c'est ma dernière année. D'accord. Voilà. Super. Moi, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais à l'école, au collège aussi, je crois. Mm-hmm. Et ça m'avait beaucoup plu. Mais je n'ai pas donné suite. Je suis parti plutôt vers du scientifique. Aïe. Mais, t'aurais pu jouer un scientifique au théâtre. C'est vrai. Mais on apprend moins de choses, je pense. C'est possible. Oh, ça dépend. Non, en vrai, non, ça dépend. Ouais. C'est vrai que tu fais le lien entre la timidité et faire du théâtre. Effectivement, moi, j'ai fait du théâtre au collège, je crois. Ça m'a rien amené. Je suis resté comme j'étais. Mais j'en ai refait une fois au lycée. J'ai fait 2 secondes et ma première seconde, j'ai fait du théâtre. Et je pense que ça a joué sur le fait de m'ouvrir aux autres, en fait. J'étais très, très timide. Je restais dans mon coin. Et finalement, ça m'a donné envie de blaguer avec les gens, ouais, de faire des vannes. Mmh. D'échanger, de me marrer. En fait, je kiffais faire marrer les gens. Ouais. Et c'était drôle tellement que ça m'avait donné envie de faire rire les gens. Mes potes avaient dit que le jeudi, c'était le jour du Johan, parce que je leur faisais des... je leur faisais des... Ce jour-là, j'avais une heure de perme, je crois. J'avais un cours, une heure de perme, un cours, une heure de perme. J'étais insupportable. Et du coup, ils m'avaient appelé ça, que c'était le jour du Johan. Et mais je me souviens vraiment de cette transition. On faisait un cours de théâtre et on était 7 mecs. Il y avait aucune nana. Il y avait 0 fille. C'était pourtant. Lycée, Ah oui. C'était pas un lycée où c'était avec que des scientifiques ou pros. Je sais que par exemple au lycée, j'étais dans un lycée où il y avait que du scientifique, pardon. Et en terminale, il y avait zéro nana dans ma classe. Là, c'était pas le cas du tout et il y avait que des mecs. Et du coup, on avait une soirée de mecs où les gens arrivaient petit à petit, tout ça. Et le fait de parler fort et d'envoyer ma voix au loin dans une pièce, ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir aux autres. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment thérapeutique, même sur plein de points. C'est, ça t'ouvre et c'est surtout avec qui tu joues. Moi, je sais que là, les copains avec qui je me suis retrouvée pour cette école, surtout sur Nantes, ils m'ont offert tellement de choses et on s'est tous ouverts entièrement. Et il y a plein de moments où je me suis dit que c'était sûrement même les personnes qui avaient vu la plus grande... ma personne la plus profonde que j'avais à l'intérieur de moi, quoi. Et ouais, c'est vraiment assez exceptionnel comme moment avec eux. Je pense que c'est ce que j'ai regretté, moi, dans le théâtre que j'ai fait au lycée, c'est que je connaissais personne. Ouais, on c'est était ça. 7 et je les connaissais absolument pas et on devait jouer des potes. Ouais, je pense ça. Que j'aurais bien aimé avoir au moins un comparse dans le truc. Où tu... Oui. Ouais, au final, la sincérité, elle arrive aussi par la suite. Et ouais, c'est vraiment le genre d'atelier où tu montes une pièce et oui, où je tu vois te présentes bien, à la fin de l'année et puis ouais. Salut, on se revoit plus. Je pense que j'ai pas appris à vraiment apprendre, on s'est pas appris entre nous en fait. On a joué un rôle du début à la fin et on s'est même pas retrouvé pour une soirée ou pour une bouffe ou quoi que ce soit. C'était vraiment, on joue ensemble et c'est fini. Ouais, carrément. Alors que là, on déconne, on a pleuré sur plein de moments parce que voilà, un exercice va te faire que tu ouvres des choses en toi qui étaient vraiment enfouies. Et ouais, on s'est vu sur toutes les facettes finalement qu'on est. Et ça, c'est chouette. Cool. Ouais, cool. Stylé. Si je devais t'imaginer dans 5 ans, 10 ans, tu ferais quoi? Plein de choses. Ouais. Bah, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais vraiment vivre de mon métier. Oui. J'aimerais avoir des projets qui me tiennent à cœur sur le domaine théâtral. Des projets qui ont un bon message. J'aimerais avoir des personnages divers et variés qui soient très excentriques. J'aimerais jouer des méchants aussi, des vrais méchants. Voilà, je me vois dans l'idéal, je me vois vraiment comme une comédienne qui vit de son métier et qui est passionnée tous les jours par ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait, c'est cool, quoi. Et voilà, sinon dans 5 ans aussi je me verrais bien à l'étranger. Donc faire du théâtre à l'étranger. Je suis un peu attirée par l'Espagne. Le côté espagnol me plaît beaucoup. C'est au niveau de l'ouverture, pareil, de la chaleur, de pas peur de parler fort, pas peur de s'exprimer. Et donc pourquoi pas justement être en Espagne dans 5 ans et de vivre en tant que comédienne en Espagne. Voilà. Et du coup faire du théâtre en espagnol? Mais por qué no? Ah, yes, I! Ouais, carrément! Non, mais l'espagnol, c'est magnifique comme langue en plus. C'est génial! C'est génial! Okay, cool. L'espagnol. Je pense, j'avais réfléchi moi à faire des vidéos en anglais déjà. Et c'est, pour moi, pour l'instant, c'est une barrière en fait. Ah ouais, ça, l'anglais c'est plus compliqué. Ça vient aussi avec s'entraîner et parler avec des potes en anglais. Et ouais, c'est ça. Anglais. Puis je crois qu'il y a pas, il faut aller sur le terrain. Il y a pas... Oui, c'est la méthode la plus rapide. Ouais. Ouais, c'est sûr. Oui, parce qu'on a beau parler entre potes en anglais, on n'aura jamais la réflexion et la construction de phrases. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a des petits trucs vraiment typiquement. Ouais, genre fuck. Ouais, grave, c'est grave ça, typique à la ça. Virgule, pareil. Je viens de rompre le sujet, je suis désolé. C'est pas grave. De toute façon, j'allais le sortir, j'attendais. Mais tu l'as dit avant. Mon ouais. Dieu. First, Squeezie first. Allez, on passe aux découvertes. Donc, on va chacun dire quelque chose qu'on a découvert la semaine dernière, il y a 2 jours, il y a 6 jours, il y a 20 jours. Du coup, ça peut être quelque chose de très vieux comme de très récent. C'est pas le film qui est sorti la semaine dernière, ça peut être Edgar Allan Poe. Voilà. Je sais pas. Bah, écoute, Yann, c'est on ta va découverte. Te laisser commencer. Eh bien, Edgar Allan Poe. Je sais pas qui c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert Larkin Poe. Tu vois, pour continuer dans Poe, c'est peut-être pour ça que j'y ai pensé. Larkin Poe, c'est un duo de musiciennes. On l'écoutait juste avant, d'ailleurs, avec Elliot. Ah. Deux nanas qui sont sœurs, qui jouent de la musique, qui ont un batteur et un bassiste avec elles. C'est hyper bien. Je sais pas si on met juste un lien ou j'en parle vite fait comme ça, parce qu'il n'y a rien de trop plus à dire. En tout cas, voilà, c'est sympa. Il y a un mélange entre country, blues, rock'n'roll. C'est joli, c'est bien fait. J'ai bien aimé. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Ok. Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre ? Sabrina, saison 2 sur Netflix. Ah oh. Et bah, c'est pas mon bah, truc non plus. Bah, pas mal quand même, pas mal. Ouais. C'est, ouais. Bon, l'histoire, c'est Sabrina, mais ça, c'est moins ridicule que si c'était un dessin animé. J'aime bien ça. On a toujours cette peur d'un film qui est fait à partir d'un dessin animé. Ça peut être très vite malaisant, comme oui. On dit. Et bah, là, c'est pas le cas. Ça avait cool. Déjà été fait en série Eh ben, je connais pas. J'irai voir, effectivement. Eh ben, faut revoir surtout la mascotte de Salem. Parce que c'est une vieille marionnette. Et alors, waouh, les effets spéciaux de ouf. Ouais, non, super intéressant. Bah là, pour le coup, c'est bien fait. Mais du coup, ils ont gardé quand même un truc. C'est pas effets spéciaux sur effets spéciaux. Il y a beaucoup de... Le maître des ombres, je sais plus comment il l'appelle... Il est fait en costume, en fait. C'est vraiment une marionnette, un mec qui a mis une grosse tête de bélier, je sais pas ce qu'ils ont mélangé comme animaux. Comme animaux, une liaison qui n'existe pas dans la langue française. Comme avec un S. Voilà. Donc, faute d'orthographe à l'oral, j'adore. Ils font l'effort de faire quand même des costumes vraiment filmés, quoi. Enfin, okay. C'est agréable. C'est bien éclairé, c'est joli, c'est bien joué par rapport à ce que c'est, et c'est cool. Donc du coup, moi j'ai passé un bon moment, même si c'est léger. L'histoire n'est pas folle, il n'y a pas non plus une écriture qui est incroyable, mais c'est agréable à regarder quand même. Mm-hmm. Ok. Voilà, je l'ai binge-watché depuis qu'elle est sortie, et je l'ai fini. Yes. Voilà, la définition finalement de binge-watché. Tout à fait. C'est ça, bon, ça c'est mes recos. Ce sont mes découvertes. Très bien. Yes. Moi j'ai redécouvert Pat Benatar il y a pas longtemps. C'est un groupe de musique assez vieux. Mm-hmm. Et le son c'est Heartbreaker. Et c'est vraiment un très très bon son. C'est du gros rock avec une nana qui chante. Et ça envoie vraiment vraiment du lourd. C'est très très chouette. Et je l'ai redécouvert il y a pas longtemps parce que j'ai rejoué à Guitar Hero il y a pas longtemps. Si, c'est une redécouverte. Et elle était dans la liste. Et voilà, c'est un super groupe que j'ai bien aimé redécouvrir. On a le droit de mettre 10 secondes de l'extrait si jamais... Mais on va mettre des on va extraits. Mettre... Ah, cool, nickel, ok. Carrément. Ce que j'étais en train de me dire, c'est quand même un peu pourrave de conseiller de la musique alors qu'on n'entend pas, je savais plus quoi dire moi sur le groupe. Ok, très bien. Donc là, actuellement, ils sont en train d'écouter les 10 secondes de Qu'est-ce que t'as dit. Et pour rester dans le rock aussi, j'ai découvert un autre groupe de nanas qui s'appelle Hurt. Et le son que j'écoute en boucle, c'est Barracuda. Alors, c'est pas du Claude François du tout. J'ai retenu la vanne. Je me suis fermé ma gueule moi-même. Vraiment. Putain, le son est encore fait de merde. C'est ça. On prévient avant. Et non, le son est génial. Pareil, ça te fout une patate où t'as envie de tout réaliser. Et d'avancer. essaie d'avancer. Et pareil, c'est une nana qui chante, t'as une nana aussi à la guitare, et avec les autres membres du groupe. Donc voilà, c'est les deux sons en ce moment que je squatte à fond et qui me motivent en ce moment. Et sinon, dernière petite découverte, pareil, ça va être sur Netflix, c'est Love, Death and Robots. Oui. Yes. Pouah, énorme. C'est dans ma liste, j'ai toujours pas regardé. Oh là, bah n'hésite pas, c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial le fait que ça soit... Ça me fait penser à Black Mirror, mais en version animée. Et pareil, des petits épisodes, tous avec un graphisme différent et une histoire différente. Mais c'est assez violent, mais je trouve que c'est... Non, c'est vraiment mortel. On les a bouffés aussi. C'est génial. Ok, cool. Voilà. J'en ai beaucoup entendu parler, ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. J'ai été surprise du résultat. Yes, I. D'ailleurs, si vous nous entendez dire sur chaîne connerie yes, I, enfin, si vous m'entendez être chiant en disant yes, I, la raison est invitée à cet épisode de chaîne connerie. Elle est devant vous. Et yes, I, c'est super motivant. Mais ça, faut traîner en événement reggae dub, les gars, et vous allez voir. Tu sais quoi, c'est drôle. De vous après. Sur mes dernières prestations, toutes, ouais. J'ai dit yes, I aux modèles ou aux musiciens pour les motiver un peu. Et les gens le disent à ma place, et j'ai des coups de fil parfois. C'est pas vrai. Et c'est aussi Patrick, grosse dédie, je sais pas si t'écouteras ça. Il m'a appelé, il m'a fait yes, I. Et je lui ai fait ouais. Yes, voilà, I. C'est vraiment, effectivement, c'est ridicule au possible, mais c'est quelque chose qui pas donne la tout. Patate. Ah, non, mais du coup, histoire, ça enlève le ridicule. C'est que ah ouais. Moi, dans les gens, en fait, on m'a dit mais c'est vieux, mec, pourquoi tu dis encore ça? C'est vieux. Mais pour eux, c'est vieux. Qui dit ça, c'est vieux? Je balancerai peut-être. On verra après. Mais c'est vieux, mais ça, en tout cas, ça a donné la patate à toutes mes dernières prestations. Eh ben, tu vois. Et ça fait chier sur les tournages de Speedwatching. Donc, génial. Que demander de mieux? Génial. Demander, c'est hyper positif. Il faut juste pas que ça tombe dans les oreilles de ma copine, Amandine. Si tu regardes cette vidéo, c'est baisé. La petite histoire, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'elle entend un truc particulier, elle le répète, elle le répète, elle c'est le répète. Ça. Ah, ouais. C'est vrai. Ah, que ça soit machin de la famille. Psartek. Oh non, pas Psartek. Donc là, il y a ça. Il y avait pas aussi un moment, elle t'avait donné un surnom. Là, ça va balancer à mort. Je sais plus. Elle disait, ah merde, Mamen. Ma mère. Il n'y a pas eu ça à un moment. Si, peut-être. Je crois si tu peux, laisser dans les commentaires. La private joke de ouf. Voilà. Tout ça pour dire. Bah voilà, on a fait tes recos. Je sais plus où on en est. Oui. Si, bah, si, on ouais. En est à moi. Ah yes. En fait, je vous ai laissé parler pour réfléchir à un truc. Parce que moi, je découvre rien. Alors, Elliot, tes découvertes. Moi, je ne regarde pas de séries. Ah, c'est rigolo, ça. La dernière série que j'ai regardée, c'était Désenchanté. Ah oui, oh. Ouais. J'ai trouvé ça super. Je suis pas trop fan des Simpsons ou de Futurama. C'est des trucs que je regardais pas trop. C'est pas trop mon truc. Mais pourtant, je trouvais cette série. Moi, ça, je trouve ça génial. Enfin, l'humour absurde et tout, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, j'ai vraiment kiffé. C'est vrai que c'était pas mal, ouais. Ouais. Tu l'as vu? Alors, j'ai pas tout regardé. Ouais. J'avoue que je me suis un peu lassée. J'ai eu du mal à finir. Mais ça m'a fait, ouais, ça m'a fait marrer quand même. Bah, moi, je regarde pas souvent des séries. J'ai pu aller jusqu'au bout, quoi. 10 épisodes, okay. Ça allait. C'est 10? Ah oui, ça va, oui. Oui, oui, oui. J'ai pas persisté. Moi, j'ai pas tout regardé. Enfin, j'ai vu l'affiche, puis j'ai pas pris le temps de regarder la... Mais j'ai regardé l'affiche, par contre. Elle est chouette, hein? Elle était pas mal. Le graphisme cool. Était... ça paraissait quand même cool, vraiment. Ouais, ouais. Mais ces dessins animés, vraiment, dessin, ils ont animé le dessin, quoi. C'est pas du motion capture ou motion design. Non, ou... non, enfin... Je sais pas. Ok, ma question était trop poussée. Sur les techniques d'animation, je. Enfin, c'était pas du Shrek, c'était peut-être plus du Princesse. C'est du plat. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas comment dire. Non, parce que Princesse et la Grenouille, c'est un dessin animé qu'ils ont refait avec Disney, vraiment dessiné dessin par dessin. Ok. Et ça faisait longtemps, exactement les dates, hein, mais ça faisait longtemps qu'ils avaient pas fait ça. Ok, d'accord. Ah, voilà. Oui, bah là, je pense pas que ce soit fait dessin par dessin. Il y a vraiment que Disney qui fait. D'ailleurs, ils le font plus, je crois. Mais non, il y a pas que Disney, il y a Xilam aussi. Ou ce genre de boîtes qui font qui animent. Bien sûr, il y a des plus petites boîtes. Ah oui, mais dans les grands, oui, c'est rare de voir quelqu'un qui se casse le cul avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, ça rajoute quand même. Enfin, moi, j'aime beaucoup le charme. Oui. Ça rajoute, ah oui, oui, c'est top. Ouais. Tu regardes Oggy et les cafards et les zinzins de l'espace, quand même, c'est quand même bien stylé graphiquement parlant. C'est cool, quoi. Mm-hmm. Ça aussi, ça a été... Ah, c'est dessin par dessin, ouais. Génial. Et, ouais. Okay. Et on aura, j'espère, enfin ça tease à mort, il faudrait qu'elle passe à Nantes, mais on aura quelqu'un qui bosse sur Gaëlle Cafard qui passera, je pense. Oui. C'est vrai ? Oui. Incessamment sous peu, ouais. Bah, c'est, pour la petite anecdote, c'est vraiment la nana qui a fait notre logo. Le logo Speedwatching. C'est, le logo Speedwatching, c'est Marie Manoury qui nous l'a animé. C'est vrai. C'est du dessin par dessin. Je savais pas du tout qu'elle avait tout, cette nana. Voilà. Bossé sur Oggy et les Cafards. Et si, elle bosse dans un studio qui dessine pour Xylama. Classe. Voilà. Ouais. Petit placement de pote. Ouais. Placement de pote. Non, c'est cool. Place ton pote. Ça, ça devient une réplique. Place ton pote. Sinon, niveau musique, moi j'écoute tout le temps les mêmes trucs. Comment mais ça du coup, mais du coup, je suis allé au concert de Chaka Ponk. Oh, yes. Et Tour. Génial, vraiment. C'est, ça faisait j'ai 15 ans que j'étais pas allé à un concert. Je sais plus. Ah, la vache. Ah bah, la dernière fois, ça devait être moi, du coup. C'était, oui, c'était ton concert, exactement. Il y a 15 ans. Excuse-moi. Pas du tout. Alors, c'était pas du tout il y a 15 ans. Mais a, ouais, effectivement. Un an et demi, deux ans. Ouais, ouais. Bon, bref, Chaka Ponk, quoi. Génial. C'est pas le même niveau. Hein. Du grand spectacle. Ouais, là, je suis ressorti, j'avais plus de voix, j'avais plus d'oreilles. C'était trop bien. Voilà. Ça, cool. Ça c'était au... bien, ça, c'est cool. Au Zénith de Nantes. Au Zénith de Nantes. Yes. Ouais. Chronique suivante. Clap injustifié. On passe au sujet du jour. Donc là, il va me falloir le régie, ordinateur. Régie, tout de suite. Oh putain. Allez, après, ouais. Je rote. Je suis désolé. J'ai perdu mon micro aussi. Vous étonnez pas, hein, le, c'est pas un grand studio là, je tape le mur là. Hein. C'est vraiment. Enfin, pas vraiment, il reste un mètre, mais. Est-ce que vous regardez Game of Thrones? Oui. Alors, Thrones, non. Oh. Mais Thrones. Comment il fait chier sur l'anglais? Ouais, ok. Non, bah, je, mais tu sais quoi, je regarde avec toi aux dernières nouvelles l'année dernière. On a vu la fin, on a vu la saison. Non, la saison, oui, oui. Ton, je crois qu'on a maté toute toi. La saison, ouais. Épisode par épisode, jour chiant à attendre. Exactement. Donc, il y a eu une avant-première de la premier épisode de la saison, ça va être la 8. 8, ouais. Donc. Avec les acteurs et tout. Et une avant-première. Ouais. Il y a eu. Donc elle est passée cette avant-première. Même pas invité. Et apparemment c'est du lourd. C'est, cette saison, elle envoie direct dès le premier épisode, ça va être vraiment du lourd. Oh. Donc on a les tweets des acteurs qui disent que c'est vraiment pas l'épisode à regarder sur son téléphone quoi. Faut vraiment être sur son écran. Donc faut en mettre vraiment fort. Ouais, faut mettre fort. Ça va être trop drôle d'entendre tous les appartements autour. Grave, en même temps. Juste à la fin du téléchargement, ouais, avec un petit délai suivant les connexions plus ou moins rapides. Exactement. Voilà, je vous mets les screens des tweets des. Vous aurez sur l'écran. Actuellement, derrière nous. Voilà. La technologie n'arrête pas de progresser. Voilà. Là, il mate des tweets dans le, okay. dans le connerie tweets. Show. Non, je regarde s'il y a d'autres trucs à dire, mais non, en fait. Okay. Donc, on a hâte que ça sorte. Je sais que ça sort quand, je sais, fin ou mi-février. Le 14 avril. Alors, attends, on est combien? On est le 8. Nous sommes le 8. Donc, c'est le lundi qui arrive, là. Non, dimanche même. Attendez. Oui, mais le temps que ce soit sous-titré, je crois. Enfin, tu sais, parce que les gens regardent ça illégalement. Oui, mais si tu le regardes légalement, c'est dispo direct. Ah, sur OCS, peut-être. Je sais pas. Aucune idée. Normalement. Ou alors, c'est 24 heures après. Je sais plus, je sais pas. Bon, en tout cas, on l'attend. Ça, ouais. Ça va être fou. Oh oui. Voilà. Next news. Est-ce que vous savez que 700 000 conducteurs en France circulent sans permis de conduire? Bah, du coup, un de moins parce que je vais arrêter. Donc voilà. Donc, okay, c'est énorme. C'était les petits chiffres que j'ai trouvés. Ouais, c'est plutôt énorme. Après, moi, je me dis, par exemple, je bosse à une demi-heure de chez moi. Si jamais je perds mon permis, je suis obligé de continuer d'utiliser la voiture quoi, pour y aller. Enfin, là, ouais. Non, parce que là, j'ai mes collègues avec qui je fais du covoit. Mais si j'avais pas le choix, en fait, je le ferais quand même. Je veux dire, ça fait combien de temps que je bosse là-bas? Ça doit faire 2 ans et demi. Je veux dire, je me suis pas fait arrêter par les flics une seule fois. Mais même sur un tour, forcément, je vais prendre le risque, pas, en fait. Pas régulier. Ouais, on sait combien d'années que j'ai mon permis. 26, ça fait plus de 7 ans que j'ai mon permis. Je me suis fait contrôler 2 fois sur 7 ans. Exactement, ouais. Ouais, ce que je suis en train de me dire, je me suis fait contrôler 2 fois aussi. Une fois avec les écouteurs, Et le flic m'a dit, ben, monsieur, c'est pas très légal. Ah, ça. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Stop. T'as pas eu l'amende ? J'ai pas eu d'amende, non. Il a été sympa. Ça va, ouais, il a été cool. Mais parce que c'est, maintenant, c'est 90 balles, l'amende pour cette merde. Des écouteurs, c'est 90 balles ? Je crois. Avant, c'était 32 euros. C'était faire une action autre que conduire en même temps que conduire. Donc manger un sandwich, fumer une clope. Ah oui. Et je crois que les écouteurs, c'est au-dessus de ça maintenant. D'accord. Bon. Ben, après, je me suis pas fait... donc je sais pas. Du coup, je les mets pas, je mets le haut-parleur, tout simplement. T'as ton permis, toi, Chloé ? Alors, fouf. De mob ? Ça veut dire non. Ouais, non, j'ai été inscrite au code. Ouais. Ensuite, ils ont perdu mon dossier. Et ouais, ah yes. Ils ont perdu mon dossier, il me restait 2 mois pour le passer. Et ce qui fait qu'ils m'ont dit, bon, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va retrouver ton dossier et tu vas commencer la conduite. Donc, j'ai conduit 15 heures. Et ça s'est arrêté là. Ah putain. Ouais. Donc tu l'as mauvaise et tu les insultes ? Tu veux faire passer un message de haine sur cette chaîne à 10 abonnés ? Bah. Bon, c'est demander si gentiment. Je suis pas trop pour la haine. Mais ouais, non, c'est pas cool. Ouais. C'est pas cool, surtout pour mes parents quand même, c'est pas cool. C'est vu qu'on raquait. Ouais. Mais là, du coup, bah, la prochaine fois, ce sera à moi de payer, ce qui est totalement normal. Je suis maintenant en âge et j'ai la possibilité de payer, donc oui. C'est cool. Mais ouais, c'est dommage, j'y étais presque. Donc voilà. Ils vous ont quand même, enfin, je me permets, ils vous ont quand même bien enculé sur ce coup-là pour un dossier. Oui, totalement, oui. Après, ouais. Je sais pas, une clé USB, ça existe. Fin... Ouais. Mais apparemment, non, pas dans cette auto-école, que okay. Je ne dirais pas le nom, mais n'y allez pas. On peut voir la ville quand même. Bah, c'est ici. C'est à Nantes. Ouais, sacrée entreprise. Mais dernière petite anecdote, justement sur les permis. Oui. Quand j'ai passé, par contre, mon permis BSR, il y a un gars qui arrivait en scooter et qui passait son permis BSR. Et moi, j'ai trouvé ça drôle qu'un gars arrive avec déjà... Il avait l'assurance de l'avoir après, peut-être. Mais non, mais le gars, le moniteur, quand il l'a vu, il fait « Mais tu te fous de nous, quoi. Au moins, t'aurais pu te garer à la rue d'à côté. Mais toi, tu viens directement à l'auto-école pour passer ton BSR avec une moto, enfin, un scooter. » J'ai des potes qui ont fait ça pour le permis conduire. Les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est hyper culotté. Faut oser, hein. Mais c'est culotté, quand même. Oui, c'est hyper stylé. Ouais. Ouais. Du coup, ils lui ont donné quand même. Ouais. Ouais, parce qu'il savait bien faire du coup. Bah, si du coup, ouais, il traçait, il nous attendait même pas. Ouais. Après, moi, quand j'ai fait mes premières leçons de conduite, on m'a demandé si j'avais déjà conduit. Genre, vraiment, si j'avais déjà fait des trajets sur la route, ouais. Et tout. Ça semblait... Après, c'était auto-école de campagne à Saint-Marc-du-Désert. Et on m'a demandé si j'avais conduit comme si c'était normal d'avoir déjà fait de la route. Bah, je pense qu'avec tes parents. Oui, d'accord, mais sur un parking le dimanche. On l'a tous fait, d'aller faire des manœuvres sur le parking du Super U du coin. Moi, je l'ai fait souvent. Bah, moi, je l'ai fait, voilà. J'ai peut-être eu des parents sympas. Ou des parents tout court, peut-être. Je sais pas. En tout cas, ça semblait normal d'avoir conduit sur la route alors qu'on n'a pas le permis. Ah ouais. Ouais. Moi, la première fois que je suis rentré dans la voiture de l'auto-école, donc ça défiait partout. J'avais pas touché un volant de caisse de ma vie. Le mec m'a dit, ok, bon, 40 heures. C'est quoi ça ? Toi, tu me fais peur. Je te tiens le volant, c'est pas possible. Lui, il va me faire gagner de l'argent. 40 heures. Direct. Non, j'avais pas touché un volant de ma vie, vraiment. Ouais, t'étais novice. Moi non plus. Ouais, mais je sais pas, moi, j'arrivais pas à être droit. Tout le temps, j'étais sur le trottoir. Oui, on a tendance à dévier, ouais, complètement. Je sais pas, ouais. Tu penses que ça va pas passer, en fait, entre les deux voitures ? Mais c'est ça, et vraiment, en voyant un levier de vitesse, les pédales et tout, je me suis dit, mais... Jamais de ma vie, j'arriverai à faire ça. C'est chiant, c'est synchronisé au début, évidemment. Mais vraiment, je me disais, jamais de ma vie, ce sera possible. Et en vrai, maintenant... Moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'époque, je faisais des concerts, pas toutes les semaines, mais j'en faisais hyper souvent, plus de tous les mois. Et mon père m'a dit, juste, tu vois, regarde ce que tu fais de monter sur une scène, d'avoir les couilles de le faire, en fait. Bah, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, mais tout le monde arrive à avoir son permis. C'était un peu le ratio qu'il m'a donné. Oui. Il m'a dit, tu fais déjà des trucs plus que les autres, en fait. À ton échelle, hein, bien sûr, mais tu fais des trucs que les autres n'osent pas forcément faire, ça, tu vas forcément y arriver. C'est vrai que c'est plutôt motivant comme phrase, ouais. Ouais, bah quand t'as, je sais pas, j'avais du coup 16 ou 17 ans pour la conduite accompagnée, tu sais, vraiment, j'étais un gros flippé du cul. Bah, c'est flippant aussi, la voiture. Ah oui, et j'allais pas vite, pourtant. Mais non, il m'avait dit ça, et ça m'avait aidé à me dire, bah, tout le monde le fait, en fait. C'est que c'est faisable. Voilà. On n'est pas tous Lady Gaga, mais on est tous conducteurs. Comment ça, on n'est pas tous Lady Gaga ? Quoi ? J'ai pas dit ! On m'a menti ! Next news, la Française des Jeux et recherche un gagnant à 9 millions d'euros sur la Côte d'Azur. Donc, si jamais vous le trouvez pas, vous donnez le fric. Parce qu'on a besoin. Allez chercher, puis produisez-nous une... Allez, salut, produisez-nous une série. Donc, le gars est pas venu, en fait. Il s'est pas déclaré gagnant. Bah, c'est peut-être un ticket perdu, ou sinon, il a pas encore réalisé, quoi. Normalement, je crois qu'on a un mois ou deux pour retirer les gains, je sais plus. Ça doit être noté plus tard. Après, je comprends que ça puisse faire bizarre et que tu dis « Ah non, mais je suis pas prêt. » Et puis, 60 jours. Pardon. Pas forcément envie non plus... Condition d'utilisation qu'il allait voir entre temps. Combien j'ai de temps pour aller chercher mes 9 millions d'euros. Okay, bah sinon, ils sont remis en jeu. Sinon, donc, voilà. Oh, voilà, tu passes à côté de ça. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, ouais, aussi, une somme même. Aussi énorme qui arrive d'un coup, c'est t'as pas le temps de t'habituer. Imagine. Et puis, t'as pas forcément envie que tout le monde soit au courant. Alors, ça, tu peux, de toute façon. Oui. Je crois qu'il y a des cellules psychologiques qui sont mises en place pour les gagnants du loto qui peuvent te. Okay. T'apprends à gérer ça psychologiquement dans un premier temps, de recevoir autant d'argent. Mmh. Peut-être que la vision des gens, du coup, doit changer de toi. Si tu gagnes 9 millions d'euros, ils sont là, waouh, ok, tu deviens super intéressant. Moi, je le dis pas déjà. Ouais, mmh. C'est ça, en fait, oui. Tu le dis pas. Ou alors, je l'ai dit aux vrais, tu vois, genre les vrais savent. Les vrais savent. Aïe. J'ai flop. Alors, le record de France, c'était en 2012, c'est 169 millions d'euros. À la Trinité, je sais pas où c'est. Et qui a pas été récupéré ? Si, qui a été bien récupéré, sa mère. Tu m'étonnes. Et le 9 millions, c'est le troisième plus gros lot en France. Ok. Si ah, c'est tout ? Ouais. Enfin, c'est tout, c'est énorme, mais c'est tout quand même. En fait, les paliers, c'est 6 900 000, 9 millions, 9 millions, 15 millions, 169 millions. 169 millions, la vache. Ça fait pas mal de thunes, hein, quand même. Vous faites quoi avec 169 millions d'euros ? Moi, je mets yimbe ma famille. Okay. Ouais, genre, je sécurise tout, tu vois, genre bien immobilier à tout le monde et que tout le monde devienne rentier au minimum, tu vois. Okay. Et puis. Les studios. Oui, après, professionnellement, effectivement, je me trouve aussi. J'achète ce qu'il faut pour qu'après je puisse vivre aussi, que ce soit. Si je voulais faire de la poterie, je m'achèterais ce qu'il faut pour faire de la poterie et d'en vivre directement, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que le matériel qui fait le métier. Yes. Mais. Ouais, je réfléchis à ce que ce soit pérenne dans la démarche. Ok, cool. Ouais. Voilà. Ok. Toi, tu ferais quoi, Chloé ? Moi, j'achèterais un vieux corps de ferme. Vieux corps de femme. Voilà, un vieux, bien vieux. J'ai une chirurgie esthétique, mais dans l'autre sens, je vais être vieille direct. Ouais. Non, un vieux corps de ferme. Ouais. Et pour le retaper entièrement et faire un lieu pluridisciplinaire qui accueillerait plein de formes d'expression artistique différentes. Et après, évidemment, je pourrais, en fait, avec cette somme, aider les plus démunis. Je pense que je ferais des dons aussi. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin d'autant. Alors, au lieu d'un don, moi, j'essaierais de trouver une idée qui peut générer de l'argent régulièrement. Mmh. Lancer, que ce soit, par exemple, claquer 10 millions pour monter une boîte. 10 millions sont perdus, mais par contre, la boîte, au fil des années, elle va engranger de l'argent et elle va aider encore de façon régulière et sur le long terme. Créer un emploi tout autour de ça, que ce soit pour la précarité ou pour l'environnement aussi. Oui. Il y a des entreprises qu'on pourrait lancer finalement qui seraient rentables. Faire un Ecosia, quoi. Exactement. Par exemple, une action comme ça qui fait que. Ok, ouais, complètement. Oui. Parce que ça a une suite finalement après. Ouais, c'est que c'est utilisé. Il y a des actions comme ça qui ont créé en plus de l'emploi. Je ne sais plus si c'était le principe de la Love Army. Ah si, ce qui m'avait touché dans la Love Army, effectivement, c'est qu'ils aidaient effectivement ceux qui étaient démunis, mais ils leur apprenaient à faire. Ils faisaient des puits, mais ils les apprenaient à les faire aussi en même temps. Et du coup, les gars pouvaient continuer à faire des puits juste en leur donnant un peu de sous et ils continuaient à faire. Oui. Je trouvais ça hyper intelligent parce qu'ils leur apprenaient comment faire les maisons. Ils ne leur faisaient pas juste des maisons. Et cette démarche est beaucoup plus intelligente, je trouve. Que... Oui, c'est vrai. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui disent juste « Tiens, voilà une cuisse de poulet, démerde-toi. » Ouais, démarche un peu chelou. Tiens, un sac de riz, allez. Fais ton truc, j'ai été gentil, là, casse-toi. Ouais, non, ce serait pas trop comme ça. Ouais, mais créer vraiment une entreprise qui fait que ça tourne. Pareil, aider les océans aussi, vraiment les nettoyer. Il faudrait mettre en place toute une équipe pour ratiboiser tout l'océan. C'est mis en place là. Ouais, complètement, mais du coup que ça aille plus vite, justement, et apporter plus de moyens, donc plus de personnes, et qu'on clean enfin cet océan qu'on a bien détruit. Ouais, ouais. Petit point nul. C'est pas nul. Important, c'est hyper important. C'est important. Hyper important, mais après, c'est... Ça devient de plus en plus dans les consciences aussi. On se rend compte que nos hivers sont de moins en moins froids et que tellement tué en fait que on est dans un point horrible. Tu peux pas te baigner sans avoir un bout de plastique sur toi. Alors t'imagines ceux qui y vivent constamment et H24. Ouais, je suis pas allé à la mer depuis. Ça, je sais pas. Mais les beaux jours reviennent. Oui. Bah, j'ai encore plus envie d'y aller du coup. mais on le sent de toute façon que ça change. Mais les consciences changent aussi. Les rassemblements rassemblent de plus en plus de gens. De plus en plus de gens en parlent. Dès qu'il y a un sujet, même tu regardes un épisode Burger Quiz, il y aura une question qui va te dire, qui va sous-entendre que l'environnement est dans la merde. Ouais, ça se sait de plus en plus. Ouais. Voilà, c'est cool. C'est chiant, mais c'est cool. En parlant d'environnement, on va enchaîner. On a retrouvé un serpent de 2,50 m en Floride. Je suis désolée. Ah ouais, mais non. 63,5 kilos, qui portait 73 œufs. J'ai vraiment... Ah bah là, il y a du kilogramme, là. Donc, il a été capturé, ce serpent. Et alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, enfin, on s'en fout, clairement, mais foutez-leur la paix, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on va capturer des... Ah d'accord, j'avais pas compris, je pensais qu'il était mort, il a été retrouvé vivant. Non, il est vivant, il a été capturé en fait. Nickel. Et pourquoi en fait? Je veux dire, il y a un record de battu, j'en sais rien, mais laissez-le là où il vit, ce serpent. Complètement, Je comprends pas. On voit régulièrement des photos sur Facebook qui sont partagées en disant « Regardez ce connard, il a tué un lion, partagez que sa gueule soit vue à travers le monde. » Il est immense. Ah bah voilà, ouais, exactement. Voilà, donc ils se sont pris en photo avec. Ah oui, donc il est mort là, non? Non, ils l'ont pas tué. Mais Il bouge pas beaucoup, hein. En même temps, c'est une photo fixe. Merci de me faire remarquer. C'est pas un gif, hein. C'est pas une vidéo, c'est vraiment une photo. Il a pas l'air. T'as vu la taille du machin? Il a des muscles, il peut tous les baiser là. Ouais, mais il a l'air bien maintenu quand même. Puis il lui tient la tête aussi, donc. Non, il est pas crevé. Pourquoi est-ce que... Alors, je sais que c'est des animaux qui sont en voie de disparition parce qu'ils sont chassés par l'homme pour faire des sacs à main. Non, par les cons, pas chaussures. Par l'homme. Hein. Oui. Les cons parmi les hommes. Par des sous-hommes. Des sous-merdes, on peut le dire. Là, j'insulte. Des grosses merdes. Waouh, ça dénonce direct. Non, en vrai, à la limite, au lieu de mettre des moyens pour capturer des animaux, mettez plutôt les moyens pour capturer seuls ceux qui vont faire du braconnage. Ça a été autorisé, ça. Je sais plus où, j'ai lu, je sais plus où, je sais plus qui. Tu vois quelqu'un en train de faire du braconnage, tu peux le tuer. Et t'as... Ah oui, carrément. Ouais, tu peux lui foutre une balle. T'as tout un groupe de nanas, alors c'est en Afrique, mais alors pareil, je sais plus exactement, il faudrait retrouver dans quel pays. Mais t'as une armée de femmes qui, justement, sont à l'affût pour chasser les braconneurs. Et elles sont surentraînées. Et franchement, elles laissent rien passer. Et... C'est cool. Ouais. Elles leur baissent la gueule. Complètement. Go girls. Bravo à vous. Je soutiens. Je donne 2 euros sur Tipeee. Tipeee, c'est un autre moteur de recherche. Non, quoi? Tipeee, c'est la maison des Indiens. Ok. Ah ouais, on n'y est pas du tout. Non, Tipeee, c'est un truc où tu donnes de l'argent. D'accord. En fait, tu décides d'une somme et tous les mois, ils te débitent cette somme pour soutenir un youtubeur ou un projet. Cool. Et à chaque fois, tu peux changer Oui, tu t'arrêtes quand tu veux, il n'y a pas d'engagement. C'est pas, d'accord, c'est chouette. Voilà. La chaîne Et Tout le Monde S'en Fout subventionne pas mal de trucs avec ça. Super chaîne. Meilleure chaîne du monde. Wow. Après, chaîne connerie. Mm-hmm. Il y a la vidéo sur l'estime de soi. Elles sont toutes, voilà. Elle est vraiment super intéressante. Même rien, des vidéos comme les arbres, des sujets, le sable, des sujets où tu t'y attends pas et il te sort des trucs de ouf. Ouais, oh, le sable. Il y a sable, pas mal de trucs comme ça. Moi j'avais découvert Datagueule. Ah aussi, Datagueule, ouais. Qui est pas mal. Génial. Il t'explique les choses clairement, comme elles sont. Et tu le prends dans ta gueule. Ouais, parce que c'est dit de cette façon. Il s'est vachement bien bossé la com sur ce projet. Ouais, carrément. Et il y a plein de chaînes comme ça qui sont cool. Mm. Bon, elles ont moins de vues que Cyprien et Squeezie First. Mais, oui. Mais il y en a au moins qui les regardent. Oui, non, mais c'est vu et c'est bien, ça fait 300, je crois, et tout le monde s'en fout, c'est entre 400 et 500 000 abonnés maintenant, c'est bien quand même, c'est pas encore le million, mais tu peux facilement trouver des gens qui l'ont déjà vu, voilà, pas autant que Norman. Mais pareil, McFly et Carlito s'étaient engagés vite fait sur On est prêt, climat, l'affaire du siècle, oui. On sait pas, on est prêt, oui. Ils avaient lancé la vidéo, ils en ont parlé un peu, pas assez à mon avis, par rapport aux communautés qu'ils ont, ils pourraient... pour mettre ça en place davantage. Ils ont fait un clean walk filmé. Oui. C'est filmé du coup, mais par contre l'opération est bien et super. Il y avait Max Bird et tous ces mecs là qui clean walker aussi, le gars qui lance une belle opération sur Insta. Oui. Mais c'était cool comme vidéo. Moi, j'avais trouvé ça touchant pour le coup. Ouais. Et jusqu'à la location de bateau là, tu sais où ouais. Ils veulent faire péter les likes. Et effectivement, ils ont fait péter les likes. C'est trop cool. C'était vachement humain cette vidéo pour le coup. C'était cool. D'ailleurs, des vidéos de Clean Walk que j'en vois un peu partout dans le monde et c'est vraiment super. C'est, ouais. C'est top, même vraiment dans des endroits super sales. Ah oui, c'est un endroit où qui est hyper cradé que tu nettoies. Alors et ça, après, tu exposes les sacs poubelles. C'est okay, un nouveau ouais, hashtag c'est avec un challenge qui est sorti aussi. Ouais. C'est ça. Okay. C'était sur Insta, je crois, ce challenge où tu au lieu de te faire chier, tu vas quelque part et tu prends photo avant et après, tu nettoies, tu mets dans les sacs, tout simplement. C'est chouette. Exactement. Ouais. C'est génial. Après, il faut juste savoir où terminent les sacs que tu as rangés. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, tu les jettes et après. Il hein, faut savoir ça. Oh. Mais c'est déjà ramassé et c'est pas nulle part. C'est peut-être que c'est pas trop mal. Ouais. Ah, allez, on va se terminer avec. Ah, bah enfin! On va se terminer avec des bonnes petites vidéos. Waouh. Donc. Alors, pour le coup, là, on avait parlé, c'est plus du tout radiophonique. Vraiment, ouvrez. Ouvrez la page et regardez. Ne faites pas que écouter. Oui, si vous êtes dans un onglet, c'est le moment de revenir. Coucou. En fait, on est toujours là. On parle et on est là. Vraiment là. On commence avec cette petite invention. Donc voilà, c'est une étagère qui se transforme en table. Oh, génial. Voilà. Waouh. Donc, c'est assez stylé. C'est voilà. Ouf. C'est ouf. Pour le gain de place, c'est cool, mais j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Une table, ça sert quand même à être un peu libre pour faire ce que tu veux. Du coup, c'est un peu con quand même. Ouais, mais la question, ouais, c'est où est-ce que tu fous les trucs qui étaient déjà sur l'étagère. Tu es obligé de les mettre quelque part avant que les invités arrivent, par exemple, dans ton tout petit appart pour les inviter à manger. Ouais. Mais bon. c'est quand mais même. En soi, mais c'est la classe. Enfin, mal, c'est optimal et c'est bien présenté. C'est vrai que j'aurais vraiment peur que tout tombe, mais finalement, non, ça tient la route. Ça a l'air d'être solide un peu quand même. Ouais, quand on voit. C'est vraiment des grosses barres de métal, à mon avis, ouais. Ça tient bien. Enfin, après, ouais. Je sais pas. Vraiment, je suis pas ingénieur. Faudrait qu'il monte ouais, dessus non, et qu'il saute. Ouais. Faudrait qu'il mette sa femme dessus. Si vous passez sur cette vidéo, refaites. Voilà, qu'il mette quelque chose dessus, qu'il saute. Qu'il mette sa femme, c'est un peu bizarre. C'était une blague sexuelle. Ah oui, okay, c'est bien pour ça que je trouvais que j'avais bien entendu ça. Ensuite, on a une petite invention. Vraiment de merde, mais enfin, c'est vraiment le truc qui sert à rien, mais qui est hyper optimal. T'as quand même envie de, tu sais, de l'avoir, mais ça sert à rien. Vraiment. Ça marche aussi sur les shooters ou pas? Ah bah ouais. Bah je pense ouais. Faudrait voir si c'est adaptable. Mais non, mais si, c'est génial. Il y a la même dose et tout est prêt en un seul coup finalement. Ouais, mais au final, est-ce que ça vaut pas le coup de se faire un peu plus chier quand même? Je sais pas. Écoute, après, faut que tout le monde veuille la même chose aussi. Hein. Il faut avoir des potes qui aiment tous les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment team flemme et team pas flemme. Voilà. Après, on est quand même dans une team stylée là. Ouais. Ça ressemble un peu. Moi, j'achète. Oh, on aurait dû faire des panneaux, j'achète. Vraiment, touche pas à mon poste. Ensuite, je sais plus ce que j'ai, mais on va envoyer. Oui, c'est du métal indien. Génial. J'aurais pu le dire dans ce que j'ai découvert. Ah ouais, parce je que trouve c'est... ça top en fait. Après, ouais. Les productions indiennes, c'est vraiment des trucs de fou. Ouais. Mais je trouve ça quand même assez ouf, quoi. Enfin, bien fait. C'est excellent. Ils sont hyper énervés, mais c'est génial. Bah, ouais, c'est mais pareil. La musique, le rythme, c'est top, c'est tout top. Quoi. Ah, du coup, ça mélange, c'est génial. Tiens, bah, j'ai écouté du rap russe. Et le rap russe, c'est vraiment pas mal. Ouais. Voilà. Et bah non, mais. J'imagine que c'est un rythme complètement. Tu changes. Mais c'est ça, ouais. Le rythme, en effet, est totalement différent qu'un rap français ou un rap américain. Mais c'est vraiment très mélodique. J'avais des gros a priori sur le rap russe. C'est pour ça. Mais. Du rap russe mélodique, vraiment. Eh bah ouais. Ah ouais. Ouais. On non, c'est pas, super chouette du rap russe. Ok. Comme du rap allemand aussi. C'est pas mal. J'ai du mal avec l'allemand en musique. Hein. Rammstein et tout, je suis pas très très fan, mais. Tokyo Hotel. Ouais. Il parle en allemand, Tokyo Hotel, non? Oui, mais quand il le prononce, il prononce pas en allemand. Allemand, ils font de façon à ce que ça sonne mieux. C'est ouais. Pas... Ah ouais. C'est pas. C'est pas. J'ai pas le terme. Ouais. Comment on dit les vraiment? C'est pas les vraiment ceux qui sont français, là. C'est pas chauvin, quoi. Chauvin, ouais. Kéké. C'est pas de l'allemand chauvin. C'est vraiment. Ensuite, je ne sais plus ce que j'ai mis. Bah, écoute, on va regarder en fait. Hein. Oui, alors là, on est sur un... Comment vous savez, les fils électriques, là. Ouais. Eh ben, qui tombent. Donc, il y en a qui sont tombés sur, sur des jeux pour enfants. Et ça donne un truc assez impressionnant, en fait. Ça électrifie vraiment tout. Ça fait un putain d'incendie, de la fumée. Enfin, voilà, c'est pas du tout Moi j'ai trouvé ça hyper ouf, en fait. Enfin, je sais pas quelle puissance il y a dans ces foutus films, mais ouais, pour que ça foute le feu, à mon avis. Et puis on voit, tu mais vois, la fumée que ça crée, fait, au niveau des barrières et tout. Ouais, ouais, on dirait une mise en scène scénographique, oui. Vraiment réussi. Bah là pour le coup c'est stylé, ouais. Ouais, inattendu. Voilà, bon, je trouvais ça assez impressionnant, en fait. Après on va être sur de la vidéo de chat, je crois, hein. Yes, du parce matou. Il faut faire des, je crois, faire du clic. Des vues, hein, faut faire du clic. Faut daber et faire. Ah bah tiens, on n'a pas dabé. Ah, il non. Était moche. Alors ça, c'est une caméra qui surveille les autoroutes. et donc, on a des petits curieux, forcément. Coucou toi. C'est génial. T'imagines pour tomber là-dessus, le hasard. Il fallait tomber vraiment au moment où l'oiseau. C'est ça. C'est-à-dire que le mec a surveillé ou a revu l'extrait au moment où le piaf passait, quoi. Ça a tiré son œil vraiment sur les 25 caméras qui étaient devant lui. C'est génial. C'est quand même ouf, quoi. Minion. Ce photobombe meilleur. Trop bien. Ça, on dirait moi en tournage. Mais je l'ai fait à la fin des burgers même. C'est moi à la fin des burgers. Oui. Oh merde, c'est j'ai spoilé. Elle l'a pas encore vu la vidéo où on mange des burgers. Ça, ouais, non. Lien dans la description et sur notre chaîne. Exactement. Il est trop mimi. Bon voilà, c'est mignon. Ensuite, on va être sur du chat. Alors, c'est super bien doublé. Oh putain, yes! Je passe vraiment un moment agréable. Voilà, vraiment. Ah, oh, il subit quand même le doublage. Ah ouais. Après, qu'est-ce que fout un chat sur une moto? C'est ça. C'est une autre question. Ça a l'air d'aller vite en plus, hein, ouais, cette vitesse. Oui, on est sur une motocross quand même. Ouais. Mais t'as vraiment des petits sacs maintenant qui existent pour mettre ton animal devant toi et tu le trimbales. Ils sont vraiment conçus pour ça d'ailleurs, ces animaux. Ouais. Ouais. Ils adorent ça. Non, mais il y en a qui. Voilà, si tu les habitues. On sentait le mépris dans ma voix ou pas? Le genre non. Non, bah ouais, non, c'est. Tu l'habitues finalement et qu'il a confiance en toi, écoute, tout roule. Hein. Ah bah ça, mais ça là, roule, il subit, hein. Ouais. Oui, ça roule, ouais. Non, non, non. Et la dernière, cette fois, c'est du chat, c'est plus tranquille. C'est des chats et une boule disco. Putain, mais... voilà. Ça rend vraiment gaga un chat, moi, c'est insupportable. Ça me rend gaga. J'en pourtant, il n'y a rien, hein. C'est de la merde, hein. Mais ouais, ça il rend est... gaga. Regarde-moi il ça. Est étonné de tout. Regarde, mais ça, c'est pas trop mignon. Voilà, donc au revoir la caution. Ah, il n'y a plus de batterie. Ça va couper. T'as pas mangé ta pizza? Non. Il faut que tu finisses ta pizza. Elle est froide. Bah ça va, il y en a, ils ont pas à manger, tu vas pas non plus oh, pas. Arrête, voilà, c'est ignoble. Tu crois les petits Africains, bah vas-y, on va leur ma bouffe aux Africains, enculés. Attends, bah, j'en parle en plus dans mon spectacle. De quoi, de pas manger sa pizza froide? Non, de justement, sur ce point-là, ce serait l'absurdité de la publicité, par exemple. On reste sur la nourriture, ouais, c'est... bah, juste pour... Là, ça serait l'exemple de, par exemple, que la publicité... Vous connaissez 99 francs? Oui, énorme ce film. Génial. Jean Dujardin est excellent dedans. Et à la fin, donc justement dans le générique de fin, c'est écrit qu'un tiers des bénéfices de la publicité pourraient servir à éradiquer la famine dans le monde. Et le paradoxe, c'est quand même qu'ils se font tellement de thunes, finalement, sur de la nourriture qu'ils promouvoient. Et à côté de ça, tu as des gens qui meurent de faim. Et donc, j'expose un peu ce paradoxe dans mon spectacle. Donc voilà, c'était marrant. Enfin, c'était marrant, non, mais... Ouais, on a très bien compris. Merci. Justement, avant qu'on clôture, parle-nous de ton spectacle. Quand, où et quoi? Alors, quoi, déjà? Oui. Alors, donc, c'est un... Spectacle. Ouais. Si je peux aider. Merci. Non, donc, c'est un spectacle un petit peu lourd qui est pas facile. le plus honnêtement. Qui... Lourd, pas dans le sens c'est relou, c'est chiant, quoi. Ou alors lourd. Lourd, il y a. Ouais, même, non. C'est... Non, alors c'est lourd dans le thème. C'est. Pesant, quoi. Voilà, c'est un, en fait, ça traite de toutes les inégalités qu'on pourra trouver dans le monde. Et par rapport aussi à plein de... Par exemple, que ce soit les guerres, les génocides, tous ces massacres qui ont été organisés par très peu de personnes, finalement, et qui ont eu une conséquence sur des millions de personnes. Ça traite de ça, ça traite justement aussi sur tous ces sujets qui sont très graves et qui sont enfouis. Dans l'histoire, qui ne ressortent pas et dont on ne parle pas alors que ça s'est passé sur notre planète quand même, et tout ça causé par l'être humain, par je sais même pas si on peut attribuer un mot sur l'être humain quand il agit de cette façon, mais voilà, sur toute la cruauté que l'humain est capable de faire sur l'autre pour une raison de territoire, de pouvoir, d'argent, qui sont finalement abstraites totalement. Et donc, ça traite de tout ça. Donc, c'est pas gay, mais on peut le dire d'une façon qui est plutôt finalement controversée et gay. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans cette production. Donc, voilà, c'est un seul en scène. Et donc, c'est le texte de Leïla Naboulsi. C'est une écrivaine qui est belge-palestinienne. Et donc, voilà, je joue alors ma première est le 7 mai. Au Théâtre de Poche Gralin, à 19h. Et ensuite, le 31 mai, 6 et 7 juin, au Théâtre de Belleville, à 19h. Et alors, j'ai pas dit le bon horaire pour le Théâtre de Poche Gralin, c'est à 20h30. Donc, comme vous avez rien compris, on met tout en description, les Désolée. Horaires. On aura traduit ce qu'elle vient de nous raconter. Et on pas aura facile tout de se vendre. C'est en mai. C'est en... C'est non, bientôt. C'est en mai et en juin. Voilà. En juin aussi. En juin. Mais tu m'écoutes pas du tout. T'as dit 7 si mai c'est 7 juin. Mai. Tout est dans la description, on vous l'a dit. Ouais. Wouh. Non, ouais. Voilà. Mais ce sont des sujets qui sont importants. Et c'est surtout la façon dont c'est dit. Le texte est magnifique pour ça. Je vais pas vraiment trop en dire. Ce que je peux en dire aussi, qui est plutôt important, c'est qu'il sera aussi en langage des signes. Voilà, j'ai voulu le traduire en langage des signes et l'interpréter en langage des signes aussi, donc à l'oral et en LSF. Yes, I. Yes, I. Tout simplement parce que pour moi, c'est important qu'en fait tout le monde ait accès à l'art en général et à ce genre de textes, surtout parce qu'ils les concernent aussi. Ils font partie comme tout le monde en fait, de cette planète, ça les concerne, c'est leur histoire aussi, c'est ce qui se passe chez eux. Et donc voilà, je voulais vraiment une ouverture plutôt globale pour ce texte. Voilà. Cool, top. Et c'est une signification aussi avec le titre, mais ne pas trop en dire. Vous découvrirez tout ça dans la description. Ça. Est-ce qu'il y a des réseaux professionnels, des réseaux où tu parles de tout ça, où on peut te retrouver sur Facebook ou Instagram? Oui, j'ai mon Instagram de Chloé Poirier. Ok, donc lien dans la description, encore une ouais, fois. Complètement. Et aussi, pareil, j'ai créé ma page yes. de comédienne. Donc, tout va être sur cette page. Pareil, c'est Chloé Poirier. Je n'ai pas transformé mon nom. Et voilà, vous pourrez retrouver donc, toutes ces informations sur cette page. Active la cloche. Abonne-toi. Voilà. Cool. Ouais. D'autres projets? D'autres projets pour le moment. Ou des envies de projets, des trucs que tu as envie de lancer ou... Des envies, ouais, complètement. Alors, ça n'a pas grand à voir avec le théâtre, mais c'est la musique. Alors, ce serait vraiment de faire partie d'un groupe de musique. Ça serait plus pour s'amuser que professionnellement, même si évidemment, des scènes ouvertes, c'est toujours génial. Aller se confronter à un public, je pense que c'est super intéressant. Mais vraiment m'éclater dans la musique. Ça serait, on va dire, un projet assez proche, parce que j'ai déjà une petite idée de groupe. Donc, tu ferais quoi? Tu ferais du chant? Oui, du chant, ouais, complètement. Ah. Il y a deux styles qui m'intéressent, c'est un peu chanson du monde, qui vise vraiment avec juste un instrument, un accompagnement instrumental, et plutôt une voix naturelle et plutôt calme. Et l'autre, ça serait du bon gros rock. Oui. Voilà. Voilà, c'est deux projets, on va dire, musique qui m'intéressent bien et qui pourront peut-être se faire. Et sinon, le théâtre. Le théâtre. Et pourquoi pas le théâtre de rue aussi. La rue, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, pourquoi pas le théâtre de rue aussi. Créer quelque chose pour la rue. Et on verra. Canon. Ouais. Eh bien, de bien beaux projets. Oui, j'ai hâte. Est-ce que c'est le moment de conclure ? C'est le moment de conclure, je crois. Ça doit bien faire une heure d'émission. C'est, ouais, à mon avis. Vous le savez mieux que nous, parce que nous, on ne le sait pas du tout. Ouais. Vous êtes dans le futur, là, actuellement. C'est comment ? J'espère que c'est cool. Ah ouais, j'espère. Laissez en commentaire si c'est cool, le futur. Ouais. Dites-nous un peu. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci, Chloé, d'être venue. Merci, Chloé. Eh bien, merci de m'avoir invité. De m'avoir recueilli le temps de cette soirée. Le catering était très bon. C'est faux. Ouais. C'est vraiment faux. Non, non, merci, merci à vous de m'avoir invité. C'est super cool, merci. Bah, c'est une première. C'était un test, on va voir ce que ça donne. Et puis, ouais. Et puis à l'heure où ça sort, ça se trouve, on en aura déjà sorti. Enfin, tourné 3-4 d'autres. Ouais. Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Voilà. Eh bien, merci à vous si vous êtes encore là. C'est cool d'être resté jusque là. J'espère que vous avez entendu des trucs intéressants, nouveaux. Oui. Peut-être découvert un nouveau point de vue ou je sais pas. On n'a pas trop non plus trop. On n'a pas non plus fait une thèse sur tous les sujets qu'on a évoqués. C'est cool. Voilà. Vraiment, je sais pas quoi dire. Comment conclure, comment conclure Et si t'as kiffé, tu peux, comme disent tous les youtubeurs, t'abonner. Tu nous donnes un petit coup de pouce, tu partages à tes potes si tu crois que ça peut intéresser quelqu'un, si ça peut aider. Oui. Et puis on vous retrouve dans une prochaine émission ou une prochaine connerie peut-être aussi. Et voilà, c'était Elliot et Johan avec Chloé Poirier aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Passez un petit moment. Au revoir. Bye, salut. Bye. Et là, il y aura un gros générique. Oh non! J'en ai pas fait un seul et là il fait un gros fuck! D'ailleurs. Yes! Un peu d'abbé! Oh. Waouh!